Merci pour cette chanson, c'était probablement la pire chanson depuis le début de la matinée, mais voilà, il en faut pour tous les goûts, c'est pas grave. On est toujours en direct au Diablo Corps pour ce marathon de la web radio Crochet, 24 heures de direct. On entame la sixième heure. Je vous avoue qu'ici, il y a certaines personnes qui commencent à faiblir physiquement, puisque très peu de gens nous soutiennent, très peu de gens nous ont ramené à manger. On est un petit peu déçus. Mais c'est pas grave, merci à David pour ton gâteau inédit, j'ai envie de dire, je ne sais toujours pas ce qu'il y a dedans, mais c'est très bon en tout cas. Donc là, on passe à un autre sujet, on a fait une heure sur L214, c'était très intéressant. On va passer à un sujet tout aussi intéressant et j'ai envie de dire d'actualité. Je reçois là tout de suite le réseau de solidarité migrants avec Florence et Julie. Et on va avoir des témoignages de personnes migrantes, du coup. Et je suis là, actuellement, il y a Simon avec nous à la table. Je vais déjà te donner la parole, peut-être Florence, que tu nous fasses une petite présentation de Réseau Solidarité Migrants. Et peut-être aussi qu'on puisse parler de manière générale de la situation générale, comme on a dit tout à l'heure, en France, en Europe, à Rouen, comme tu veux. Ouais. Bah, je vais peut-être commencer déjà par la situation en France, en Europe. Pour dire que la situation des personnes migrantes dans toute l'Europe, ça s'aggrave depuis des mois. Et contrairement à plein d'idées reçues, ce n'est pas parce que le nombre de migrants augmente, parce que globalement, ce nombre est stable depuis plusieurs décennies. C'est vraiment un problème d'accueil et de politique des différents gouvernements européens. En France, là, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée à la fin du printemps qui aggrave vraiment, vraiment les conditions d'accueil, que ce soit pour les majeurs et pour les mineurs, qui aujourd'hui sont des milliers à se retrouver à la rue parce que la loi fait qu'on leur retire des droits. Deuxième idée reçue qu'il faut vraiment bannir, c'est l'idée que les migrants sont en majorité des hommes célibataires qui viennent envahir nos campagnes françaises. C'est faux. 52% des migrants sont des femmes. Donc là encore, c'est une idée qu'il faut. Enfin, c'est vraiment un point qu'il faut dire et redire partout. Plus de la moitié des migrants qui arrivent aujourd'hui en France sont des femmes, beaucoup de femmes isolées avec des enfants et beaucoup aussi de mineurs non accompagnés. Donc nous, le réseau de solidarité migrants, on est une association qui existe depuis 2015 sur Rouen. Au départ, c'est un petit groupe qui s'est créé dans l'émotion après la célèbre photo du petit garçon qui était mort sur une plage, qu'on avait retrouvé mort sur une plage. Ça a été un peu ça le point de départ de la création de l'association. Le but initial, c'était de dire oui, il y a des gens qui sont à la rue et... c'est évidemment au pouvoir public de les prendre en charge, mais on ne peut pas laisser ces personnes sans solution, les laisser dehors. Et donc, on trouve des gens, des hébergements citoyens pour qui ouvrent leurs portes pour une nuit, plusieurs nuits, des semaines. Voilà. Donc, ça, c'était le point de départ. Au fur et à mesure, évidemment, ça s'est élargi à tous les sujets et en particulier à l'accompagnement juridique et administratif de toutes ces personnes, puisque la loi est tellement compliquée que pour s'y retrouver, c'est vraiment la croix et la bannière tous les jours. Donc, ils ont vraiment besoin d'accompagnement pour les aider dans leur démarche. Donc c'est aussi un des points d'action de l'association. Et puis le troisième volet, évidemment, c'est la mobilisation. La mobilisation contre les lois scélérates, contre les migrants, contre le gouvernement qui refuse de les régulariser, contre le département de Seine-Maritime qui a la responsabilité des mineurs et qui les laisse à la rue pendant des semaines, voire des mois. Justement ça, par rapport au département, on a vu passer pas mal, il y a eu une manif il n'y a pas longtemps, et il y a devant l'hôtel du département. Il y a une obligation du département, normalement, d'accueillir les mineurs isolés, c'est ça ? Oui. Ou alors une amende s'ils ne répondent pas à cette obligation, c'est ça ? Alors, oui. En gros, quand un mineur arrive sur le département, il doit passer un entretien d'évaluation et la loi dit que, d'une part, pendant cette période, il doit être mis à l'abri et que cette évaluation doit être faite dans les 5 jours. Là, aujourd'hui, en Seine-Maritime, mais c'est un peu le cas dans les autres départements aussi, leur premier rendez-vous est à 6 semaines. Ça veut dire qu'en gros, là, ceux qui sont arrivés la semaine dernière, ils ont rendez-vous le 15 janvier. Et pendant toute cette période, ils sont laissés à la rue, non seulement laissés à la rue, mais sans manger, sans rien. Donc, avec un groupe d'avocats, on a fait des référés pour obliger le département à respecter la loi, tout simplement. Et malgré tous ces référés gagnés, le département continue à ne pas les mettre à l'abri. Ils ont été condamnés à des astreintes de 600 € par jour et par enfant non mis à l'abri. Et ils se vantent dans la presse de toute façon de ne jamais payer ces amendes. Donc, ils s'en foutent royalement, quoi. Ok, difficile de réagir à ça comme ça. Par rapport à justement à ce réseau de solidarité migrant, là, tu parlais d'aide juridique au Diable au Corps. Du coup, tous les jeudis, il y a une permanence pour les migrants. Oui, il y a donc au Diable au Corps, il y a 2 permanences. Le mercredi après-midi pour les mineurs non accompagnés et le jeudi toute la journée pour les majeurs. Ok. Toi, Julie, est-ce qu'on peut dire bénévole du coup du réseau de solidarité migrant? C'est quoi ton taf de bénévole dans l'association ? Je suis arrivée dans l'association d'abord parce que je suis devenue hébergeante. Okay. Donc j'ai accueilli des jeunes mineurs. Puis j'habitais à 800 mètres de la Garenne. Du coup, à force de voir des personnes et aussi rentrer dans tout cet acheminement de législation, de rendez-vous avec les avocats pour rentrer dans les bons statistiques et bien faire jouer un peu la chance d'être connu par l'ASE. C'est comme ça que j'accompagne aussi quelques mineurs maintenant, plus en plus. C'est un petit peu mon travail ici. Ok, peut-être on reviendra en fin d'émission sur comment peut-être vous aider ou comment rebondir pour les gens qui seraient intéressés. Là, tu parlais de la Garenne. J'aimerais bien qu'on fasse un petit moment sur ce lieu qui a été ouvert et qui a été expulsé il n'y a pas très longtemps. Simon, toi, tu as vécu là-bas ? Oui. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lieu, de ce que c'était et, voilà, comme tu veux. Je peux commencer depuis mai, que nous luttons. Excusez-moi pour ma France, mais je peux expliquer sa situation. Depuis mai, c'était l'espoir. Apparition d'espoir, mais après exclusion, c'est disparition de notre espoir. Et, vous imaginez que nous étions dans la rue avec la famille et ces organisations aidaient-nous à être hébergés, aidaient-nous à être au sécur. Et maintenant, c'est problème pour nous parce que nous avons perdu notre espoir, parce que si fermé, le Garenne fermé, nous avons perdu notre espoir, c'est ça. Est-ce que Noémie, là je te vois dans un coin, c'était pas forcément prévu, mais est-ce que tu peux nous décrire vraiment ce que c'était la Garenne en termes, je sais pas, de lieu, de place, d'espace, combien de temps ça a duré, enfin tous les détails un peu techniques et statistiques, j'ai envie de dire, pour qu'on sache bien. La Garenne, ça a ouvert dans une situation qu'on s'en trouvait un peu dans l'urgence, il y avait beaucoup de personnes à la rue qui étaient invisibilisées, donc ça a été un lieu qui a été ouvert justement pour mettre à l'abri les personnes, qu'ils aient eu le temps de se reposer, de se remettre à jour dans les dossiers administratifs, tout ça. Et en même temps, ça a permis aussi de mieux s'organiser pour appréhender un peu la suite. C'est vrai que ça n'a pas toujours bien marché. Après, ça a duré 5 mois pendant lesquels il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, des reports en procès, tout ça, pour essayer de garder le lieu. Et parce qu'il y a une lutte des militants et des personnes occupantes qui pour garder ce lieu le maximum de temps possible. Oui. Ok. Oui. Et juste, je me rappelle plus exactement combien de places il y avait à la Garenne, combien ça touchait de personnes ce lieu. Donc il y a eu 180 personnes à peu près en permanence, sachant que en fait ça a touché beaucoup plus de monde parce que bah, par exemple en ce qui concerne les mineurs, il y a eu un roulement au fur et à mesure qu'ils arrivaient à être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Bon, ils partaient et d'autres arrivaient. Il y a des familles qui avaient de temps en temps des mises à l'abri de quelques jours avec le 115 qui partaient et d'autres prenaient la place. Donc on a dit 180 personnes, mais en réalité ça a touché beaucoup, beaucoup plus de personnes que ça. Ça a surtout permis d'avoir un vrai lieu, évidemment, où les gens pouvaient être en sécurité. Mais c'était aussi vraiment un lieu de lutte où on a passé beaucoup de temps à discuter tous ensemble avec, évidemment, les militants, mais surtout avec les migrants qui vivaient là. Donc, deux fois par semaine, on faisait une assemblée générale où, à la fois, évidemment, on discutait de la gestion du lieu, des choses concrètes comme le ménage, la bouffe, tout ça, mais aussi de comment on continuait, comment on organisait des manifestations. Et enfin, moi, ce qui était vraiment génial dans ce lieu, c'est ça, quoi. C'est toutes ces rencontres où des gens qui étaient dans des situations extrêmement différentes, qui venaient de pays, je crois qu'on avait compté 18 nationalités différentes à la Garenne, et où globalement toutes ces personnes arrivaient à discuter ensemble, à avoir des projets ensemble, à organiser des manifestations. Et ça, ça nous a porté pendant 5 mois, même si par moment on était épuisés, mais c'était bon, c'était génial. et donc c'est vrai que au moment de, enfin donc l'expulsion était, c'était à la fin du mois d'octobre. Il y a une grosse partie des personnes qui étaient à la Garenne qui avaient le droit, qui étaient en procédure normale de demande d'asile et donc qui avaient le droit depuis des mois, certains depuis plus d'un an, à avoir un logement et qui ne l'avaient toujours pas. Et la lutte de la Garenne a permis que ces personnes aient un logement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que, enfin, un peu d'extérieur, j'ai l'impression que le lieu, la Garenne, a vraiment permis de visibiliser à Rouen, je sais pas comment dire, le collectif. En tout cas, enfin, il y a une espèce de collectif Garenne qui est d'ailleurs ce qu'on a marqué dans notre programme, vous voyez, la Garenne. C'est vrai que ça a visibilisé la lutte et ça, c'est vraiment intéressant. C'est la première remarque que je voulais faire, mais ça m'inspire une question. Tout à l'heure, là, tu parles d'expulsion. On va vous parler d'expulsion et en fait, un peu bêtement, naïvement, il s'est dit quoi avec les représentants, je sais pas, de la mairie ou je sais pas quoi, ou de la préfecture. Enfin, comment ça se fait que humainement, quelqu'un ou quelques personnes ont été capables de dire, de prendre la décision, d'appuyer sur le bouton pour dégager le lieu. Et aussi, comment ça s'est passé peut-être l'expulsion ? Est-ce que c'était, je sais pas, est-ce que c'était violent ? Est-ce que c'était préparé ? Est-ce que tu peux nous en dire, ou pas forcément toi d'ailleurs, mais est-ce que quelqu'un veut peut-être le rendez-vous à la mairie ou la préfecture déjà et... dès le départ, dès le mois de mai, quand on a appris que le bâtiment appartenait à la mairie de Rouen, ils nous ont contactés en nous disant que ça ne serait pas possible d'y rester et qu'ils feraient des procédures juridiques pour qu'on soit expulsés. Au final, ça a pris du temps et on est resté quand même 5 mois. Mais il était clair pour eux dès le départ que de toute façon, ils ne voulaient pas qu'on s'y installe longtemps, quoi. Donc, on a eu des rendez-vous à la préfecture. Bon, alors la préfète, c'est une préfète, mais en plus, c'est l'ancienne préfète de Calais qui est particulièrement dure et anti-immigrante et pas du tout humaine. Donc elle a dit que de toute façon, les gens qui étaient là, soit ils étaient en procédure normale et il était envisageable de faire quelque chose, et que pour les autres, c'était l'expulsion, pas l'expulsion de la Garenne, l'expulsion de France. Hein. Ouais. Donc voilà, donc c'était tout le temps une fin de non-recevoir de la part de la préfecture. De la part de la mairie, eux, ils voulaient récupérer leur fric, en fait, parce que le bâtiment était vendu et ils voulaient récupérer leur... Ils ne voulaient pas perdre leur je ne sais plus combien de millions d'euros. Donc, voilà. Donc, à un moment, quand la décision juridique a été prise au mois d'août de l'expulsion, on savait qu'il y avait 2 mois. Donc, la date limite, c'était le 13 octobre. Ça a encore duré une dizaine de jours, le temps que les décisions soient prises par les forces de police. Nous, à la Garenne, en Assemblée générale, on avait décidé que les personnes qui, en gros, ne risquaient rien et avaient des droits qui pouvaient être reconnus, devaient rester jusqu'au moment de l'expulsion, parce qu'on savait que ils allaient être emmenés et avoir une chance d'avoir un logement, et que toutes les personnes dont la situation juridique était compliquée, qui étaient sans papier ou qui étaient en procédure Dublin, etc., ont quitté la Garenne avant l'expulsion pour être protégées. Donc au moment de l'expulsion, il y a eu un déploiement de forces de l'ordre absolument délirant. Enfin, je ne sais pas combien il y avait de camions, de flics, de machins partout. Mais nous, on avait décidé qu'il n'y aurait pas d'affrontement, donc on n'a pas eu du tout. Voilà. Donc les personnes qui étaient à l'intérieur de la Garenne ont été enregistrées. Les majeurs ont été emmenés pour des cadas. Les mineurs ont été mis à l'abri provisoirement et au bout de quelques jours ont été remis dehors. C'est quoi un CADA, juste pour... Un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Donc c'est pendant toute la période où ils sont en demande, en attendant d'avoir leur statut de réfugié, où ils sont des appartements, des appartements. Du coup, un peu encore dans la logique naïve, mais il se passe quoi du coup pour les gens expulsés de la Garenne? Donc, tu parlais de 180 personnes, c'est quoi la suite en fait? C'est quoi qui s'est passé depuis octobre, l'expulsion? Et ben là, du coup, depuis octobre, la situation, elle est extrêmement difficile parce qu'il y a eu, en gros, une centaine de personnes qui se sont retrouvées de nouveau sans solution. On a essayé de rouvrir de nouveaux lieux où on a été expulsés très, très rapidement et parfois assez violemment. Donc, on a essayé d'ouvrir un foyer rue de Joyeuse en plein centre-ville qui était inoccupé depuis au moins 2 ans. La police est intervenue tout de suite. On a essayé d'ouvrir un ancien centre aéré qui était fermé là depuis 10 ans. Et comme par hasard, on nous dit « Ah ben non, mais là, il vient d'être vendu, c'est pas possible. » Et encore, les flics sont intervenus. Un ancien IME, pareil. Et puis là, il y a pas longtemps, 15 jours, 15 jours, on est allé à la fac faire une conférence avec les mineurs isolés, occuper un amphi. La police est intervenue là à la demande du président d'université. Les mineurs se sont réfugiés dans le local syndical de l'UNEF. Et là, la police est intervenue pour le coup violemment en défonçant la porte et en faisant un truc complètement ségrégationniste. Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'autre mot, quoi, où ils ont sorti en gros tous les blancs et un peu violemment et ont laissé tous les noirs à l'intérieur, y compris les étudiants qui étaient là. Et voilà. Et donc après, la police des frontières a pris tous les noms et a convoqué tous les noirs qui étaient dedans. Voilà. Bonne ambiance à ce que je vois. Et toi, par exemple, Simon, après la Garenne, du coup, c'est quoi de ton quotidien depuis l'expulsion de la Garenne? T'as trouvé un lieu ouais. C'est très difficile. Je peux poser une question. Vous imaginez votre vie avec votre famille dans la rue? Deux jours, 3 jours, 7 jours, etc. Dans la condition illégale. C'est très difficile. C'est très difficile. Et c'est stress pour moi, pour nos familles, pour mes enfants. C'est pas pour seulement notre famille, c'est pour les immigrants. Parce que les restrictions contre l'immigration maintenant, c'est très fort dans l'Europe et dans le monde. C'est imagination, être seul, c'est très difficile. Avec le mot psychologie, c'est ça, c'est le problème. Et du coup, la Garenne, c'était justement un lieu qui permettait de moins seul. J'ai dit que Garenne et l'association étaient pour moi espoir. Ouais. Nous avons perdu ça après le Garenne, après l'exclusion. C'était problème. Ok, merci pour le témoignage. On se met une petite chanson pour faire un petit break et on revient juste après. Bien. To let me know, should I stay or should I go? if you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugger me. Decision made molester. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? De retour sur le plateau de la web radio, là on se disait grosse, ouais, faut pas toucher, ça. Grosse dédicace à Kevin Emery qui nous écoute probablement pas, mais c'est pas grave, au moins on l'aura fait, il y aura des témoins pour lui dire, parce que Kevin Emery c'est vraiment le lien peut-être premier en tout cas entre le Diablo Corps et le réseau de solidarité migrant. On va pas revenir sur le travail qu'il a fait, mais en tout cas grosse dédicace et gros bisous. Du coup là je suis avec Souleymane et Danilo. On va commencer peut-être par toi Souleymane, si tu veux nous raconter un peu ton parcours qui t'a amené ici, enfin jusqu'à ici aujourd'hui, ici à Rouen, si tu veux bien témoigner. Ok, moi je suis sorti ça fait plus d'un an maintenant. Je suis passé par le Maroc, d'abord par le Mali, l'Algérie, la Libye, ensuite l'Algérie encore et par le Maroc. Et on est passé par l'enfer, parce que on a vécu des choses très très dures qu'on peut même pas souhaiter, même notre pire ennemi, tu vois. On a vu des gens mourir sous le désert devant nous juste à cause de l'eau, et tout ça pour venir ici en France, d'autres en Allemagne, en tout cas en Europe, tu vois. Et on a parcouru la Méditerranée, on a eu des tortures, comme moi par exemple quand moi j'étais en Espagne, quand on est rentré là-bas, ils nous ont séparés par groupe, ça fait pas, ils nous ont amené sur une machine pour connaître nos âges, tu vois, et ils nous ont amené du côté des mineurs, parce que moi j'avais bientôt je vais avoir 17 ans, et ils nous ont gardés là-bas. Du coup je les ai dit non, moi je parle pas l'espagnol, je comprends pas, et mon rêve c'est pas ici, je voudrais continuer en France. Ils m'ont dit non, qu'ils vont pas me laisser aller, c'est jusqu'à ce peut-être après un an, tu vois. Et j'ai forcé la situation, j'ai fui tout ça pour venir ici en France. Là-bas j'ai pas dormi dehors, si ce n'est pas en Algérie, le Maroc, et dans la forêt. Là-bas, on a fait des semaines sans manger. On dormait dans des conditions très difficiles. Des fois même, on n'ose pas se laver parce qu'il y a des traces sur le corps tout le temps. Ça fait mal. Et quand je suis même rentré en Espagne, il a fallu qu'on nous amène à l'hôpital. On a fait quelque chose de 2 mois là-bas avant de nous amener dans un hôpital. Là-bas, on était bien traités. On a juste fui là-bas parce que c'était pas là-bas notre destination, quoi. Par exemple, moi, je devais faire le BEPC l'année-là. Je sais pas. Mon rêve, en tout cas, c'était de continuer les études ici en France. Et quand je suis venu, c'est du n'importe quoi. Je fais 2-3 jours. Je dormais sous la scène là-bas. Je ne mangeais même pas. Et une fois, on est allé dans un centre commercial à Saint-Sever. On est rentré, on a forcé, on a pris des trucs, on a mangé dedans, on nous a arrêtés, ils ont vu dans les caméras. Et on n'avait pas peur et ils nous ont laissés. C'est ainsi qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de la. Qui évalue les gens. Donc on est allé là-bas, ils nous ont donné un rendez-vous de 2 mois. Et du coup, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de place pour nous, ils ne savaient pas comment on allait faire. Et il y a un monsieur là-bas qui nous a amené à Médecins du Monde. Et du coup, Madame Florence est venue nous chercher pour amener à la Garenne. La France pour nous, c'est comme par exemple pour moi, c'était de continuer les études. Parce que j'étais avec mon frère. Lui, je ne savais même pas de ses nouvelles. C'est tout récemment j'ai appris qu'ils n'ont pas retrouvé le corps. Il y a d'autres qui disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il ne sait pas. Parce que je l'ai laissé en Libye là-bas. Il devait payer une somme pour nous deux. L'argent n'était pas trop. Il a payé juste ma part. Moi, je suis allé, lui, il est resté là-bas. Ok, waouh, c'est. Ok. Juste, c'est quoi le pays de départ? Tu nous as pas dit. La Guinée, le Mali, l'Algérie, la Libye, encore le Maroc. Parce que la Libye. Toi, t'es de Guinée, ça? Oui, Guinée, oui. Okay. Toi, tu voulais du coup venir en France pour continuer tes études. Oui. Et tu peux, juste quand tu dis. Comment dire, en Libye, c'est en Libye que t'es passé via l'Europe? Via la Libye? Le Maroc, la Libye, là-bas, nous a torturés. Du coup, il y avait la peur. Parce que. On a vu deux messieurs qui sont morts devant nous sur le désert juste parce qu'ils avaient soif. Et il y a un autre qui dit, si vous comprenez, vous allez finir comme lui. Tu vois. Et il y a un lui là-haut, on est parti se caler là-bas pendant 2 jours. Et on avait juste un bidon de 5 litres. On ne mangeait même pas. Et il y a une voiture qui est venue, on a payé quelque chose de 50 000 CFA pour nous ramener encore en Algérie là-bas. On est rentré par le Maroc parce que le Maroc, c'est mieux que de partir par la Libye. Parce que là-bas, ils torturaient, parce qu'on avait déjà subi quelque chose, donc du coup, on ne voulait pas. C'est ça. Ok, et du coup, comment dire, le fait de la Garenne, le fait qu'il y ait le réseau de solidarité migrante, ça a facilité, on va dire, ta présence ici ou... Non, la Garenne, c'était mieux parce que là-bas, et on avait où dormir, et le soir, on nous apportait à manger tout le temps, tu vois. Et un jour, on est venu nous dire qu'on devrait quitter la Garenne. On a dit on allait on savait pas où aller, quoi. Ils avaient dit, même la police allait venir le matin. On n'a pas fui, on a dit non, on ne va pas aller nulle part. Et ils sont venus là-bas à 5h, je pense. Moi, je dormais même. C'est eux-mêmes qui nous ont réveillés. Ils nous ont pris, ils nous ont mis dans une voiture. Pour nous. Quand même, ils nous ont logé quelque chose de 2 semaines, 15 jours, 2 semaines comme ça. Et à l'hôtel, on nous a dit encore de sortir. On a dit, juste parce qu'ils ont donné 2 semaines. Après les 2 semaines, on est parti encore à la rue. Des fois, on dort dehors. Des fois, on part à Médecins du Monde. Et c'est le réseau RSM qui nous cherche des familles. Des fois, à l'auberge. Comme hier, moi, j'ai dormi à l'auberge. Aujourd'hui, j'ai quitté là-bas. Ce n'est pas encore maintenant là où je vais dormir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que depuis la fin de la Garenne, j'ai un peu suivi aussi les répartitions le soir de tous les mineurs. Enfin, ce n'est pas que des mineurs, d'ailleurs. Enfin, Essentiellement, ouais. Essentiellement des mineurs, mais pas seulement. En tout cas, j'ai l'impression que le truc ultra urgent et ultra difficile à vivre, j'imagine, pour vous, c'est le côté jour le jour. Quoi. Là, c'est ce que tu dis. En fait, tu sais pas où tu vas dormir ce soir et c'est pas te poser à un endroit. Quoi. Des fois, moi, je m'aime pas. Okay. Si ça part la nuit avec la voiture à Saint-Marc, là-bas, le resto du cœur. Ouais. Ok, bah merci pour ton témoignage. J'ai pas grand chose à dire. Enfin, c'est super dur à entendre, en fait. Je vais être honnête. Je vais donner la parole à toi, Danilo. Toi, tu vas nous parler de... Tu veux que j'explique juste Ouais, je veux bien, ouais, carrément. Donc les mineurs non accompagnés, quand ils arrivent, et, comme vient de dire Souleymane, ils doivent se présenter au CAPS, qui est le Centre d'Action et de Promotion Sociale, qui est chargé de l'évaluation des mineurs. Donc ils ont un entretien qui dure une heure et demie, en fonction de savoir s'il y a un interprète, pas d'interprète. Et c'est après cette évaluation qu'on leur dit, vous êtes évalué mineur et donc vous allez être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ou pas. Donc tous les jeunes qui arrivent passent par là. Les délais sont de plus en plus longs, mais bon, au bout d'un moment, ils ont quand même leurs évaluations. Et Danilo, il a eu son évaluation il n'y a pas très longtemps et je pense qu'il a plein de choses à expliquer. Ouais, on t'écoute. Allez. Bonjour d'abord et merci de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui et d'expliquer ma situation, mon mode de vie ici en France. Bon, je viens d'abord plus précisément du Gabon. Ouais. En arrivant en France, je suis rentré en France le 9 octobre. Je suis rentré en France. Ouais. Le 8, je suis rentré en France le 8. Je suis rentré le 8, j'ai fait une nuit à Paris. Et je suis monté dans le train qui m'a ramené ici, à la gare de Rouen. Lorsque je suis arrivé, je ne connaissais personne. Je me suis un peu renseigné, j'ai trouvé d'autres pas loin de la gare qui m'ont indiqué. Médecin du monde. Je suis allé à Médecin du monde, malheureusement c'était fermé. J'avais mon sac, je me suis mis devant l'église. Bon, j'ai patienté là. Pratiquement pendant 3 à 4 heures de temps, j'ai patienté là. Aux environs des 18h, 19h, j'ai rencontré un groupe. Des frères comme moi, ils passaient, donc je suis parti vers eux, je les ai expliqué ma situation, que je viens d'arriver, je suis là depuis, j'aimerais savoir comment ça se passe, parce que je suis là, je suis faible, je n'ai rien à manger, j'ai soif. Ils m'ont dit, bon, ça tombe bien sur nous, parce qu'on peut prendre à manger. Parce que c'était pas loin de là, c'est un camion qui venait, qui distribuait un peu de quoi manger, voilà. Je suis parti avec eux, j'ai pris de quoi manger, je leur ai expliqué ma situation. Bon, vu que moi je suis venu tard, comment ça se passe, ils m'ont dit non, ça, c'est pas grave. Sur nous, tu vas passer une nuit là-bas, comme ça on va te présenter à quelqu'un qui pourra t'indiquer d'où tu peux prendre un rendez-vous pour ton évaluation. On a pris à bouffer, nous sommes partis, ils m'ont amené à la garenne. Je ne comptais pas, ouais. J'ai fait une nuit là-bas. Une ou deux nuits là-bas, oui. Après, ils m'ont présenté à Madame Florence ici, présente avec nous. Ouais. Il a expliqué ma situation. Elle m'a dit de me calmer, d'être tranquille. Ça va aller, d'être avec les autres. Ouais. Et je crois 3-4 jours. Ils m'ont envoyé vers Médecins du Monde parce qu'il y a une dame qui devait m'accompagner pour le CAPS, aller prendre un rendez-vous. Mais je crois que j'étais d'abord parti seul. Avant lorsque je suis parti, j'étais avec d'autres. On a d'abord été accueillis violemment d'abord parce qu'au moment où nous sommes venus, on était accueillis par un homme qui nous a crié dessus. Il nous a demandé de repartir, c'est pas la peine, ils sont fatigués. De repartir, je crois, dans deux à trois jours. Et c'est là où nous sommes maintenant venus avec la dame. Ils nous ont accueillis maintenant. Nous sommes rentrés, on a eu des rendez-vous. J'ai eu mon rendez-vous pour le 5 novembre. Pendant tout ce temps, ils ne m'ont pas dit d'où je devais passer les nuits. Ils ne m'ont pas dit d'où je devais manger. On les a posé la question, ils nous ont juste dit, voilà votre rendez-vous. c'est tout. Nous sommes sortis. Mais qu'est-ce qu'on peut bien dire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Rien. Nous sommes repartis et grâce au réseau Solidarité Migrants qui nous ont pris, qui nous fait un peu dormir parfois à gauche comme à droite, ils nous ont donné de quoi manger, dormir au chaud. Et pour ça, je les remercie encore. Mais nous le remercions tous, je pense. Maintenant, le 5 à 16 heures, je pars pour mon rendez-vous. Je rentre dans la salle, je croise deux dames. Ils me font comprendre d'être calme, c'est pas la police, ça ne sert à rien de la vérité. Ils sont là pour m'aider. Je dis, sans problème, de toute façon, je vais vous dire ce que j'ai vécu. Ils ont demandé mon âge, j'ai donné mon âge. Après, ils m'ont demandé si j'avais des documents sur moi. J'ai dit oui, j'ai des documents sur moi. Ils m'ont demandé, tu as quoi comme documents? J'ai dit, j'ai un passeport et j'ai ma carte scolaire. J'ai fait sortir mon passeport et ma carte scolaire. Puis elle regarde. En touchant juste mon passeport, elle me dit, je ne suis pas sûr que c'est un vrai papier. Je n'ai rien dit. Parce qu'elle sait pourquoi elle le dit. Après, elle regarde ma carte scolaire. Elle voit seconde. Mais bien avant de regarder ma carte scolaire, elle m'a posé la question. Tu as fait quelques classes au pays avant de venir? Je lui ai dit, j'ai commencé le cours en seconde, mais je n'ai pas pu terminer, je suis venu. J'ai présenté ma carte scolaire, elle a regardé. Elle m'a regardé comme pour dire que non. Elle ne te croyait pas? Elle ne me croyait pas. Parce que automatiquement, j'ai compris que pour elle, c'était impossible qu'un migrant africain, noir, puisse faire l'école jusque-là. Mais ce qui fait plus mal, c'est parce que c'est une dame noire qui m'a fait ça. Elle ouvre mon passeport, elle me dit, pourquoi sur ton passeport, il n'y a pas d'adresse? Puis je dis, madame, mon passeport, je ne l'ai pas fait ici. Et en Afrique, je ne pense pas que, autant que nous sommes, quelqu'un peut dire que sa maison, ou bien la maison de son voisin, a un numéro, ou bien l'adresse. Après, elle me regarde et me dit, quand je te vois, et en t'entendant de parler, tu ne peux pas être un enfant. Puis, j'étais étonné, mais je ne l'ai pas posé la question pourquoi. Parce que, pour moi, je me dis, c'est que la manière qu'ils ont, surtout cette dame noire, la manière qu'elle a eu à crier sur moi, pour moi, j'ai compris que c'est pas vraiment m'aider, comme elle a eu à dire au début. Elle m'a dit, si ton passeport, c'est, je ne pense pas que c'est un voiture, il n'y a pas d'adresse. J'ai dit, madame, mon passeport, chez nous, il n'y a pas d'adresse, on y fait pas ça. Et comment tu as fait pour avoir ton document? Je l'ai expliqué, j'ai dit, madame, avant de venir, j'ai eu à faire mon document. Je suis venu. C'est en Espagne que j'ai appelé. Maintenant, Dieu lui a dit de m'envoyer mes documents. Parce que je suis arrivé. Après, me faire comprendre pourquoi c'est la France que tu as choisie. Il dit, madame, en quittant ma maison, je ne pensais pas à la France, Espagne, Allemagne, Italie, non. Je pensais à une vie meilleure, mieux continuer mes études. Lorsque je suis arrivé en Espagne, si je comprenais espagnol ou bien je parlais espagnol, je pense que j'allais rester. Mais en Espagne, pour tous ceux qui sont passés en Espagne, vous diront la même chose. On peut vous donner à manger. On peut tout vous faire, mais on ne vous parle pas d'école. On ne vous parle de rien. j'ai trouvé d'autres qui parlaient d'entrer en France. J'ai dit, oui, je vais tenter encore ma chance avec eux. Ça n'a pas été facile parce que plusieurs refus, parfois tu viens, on te récale. Je suis rentré. Après, elle crie, elle me dit, est-ce que si moi je viens chez toi au Gabon, je me mets à l'aéroport et je demande à l'État gabonais que j'ai vu une maison, est-ce qu'on va m'offrir une maison? J'ai regardé la forme. Au fond de moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux dire? Rien. Tu ne peux rien dire. Mais ce qui fait mal, c'est parce que aucune personne dans ce monde ne peut donner mon âge, à part celle qui m'a mise au monde. Parce que même mon père n'est pas sûr à 100% que je suis son enfant. Seule une mère sait. Donc, quelqu'un qui ne me connaît pas, qui me voit pour une première fois, juste en me regardant, me disant, tu n'as pas l'âge que tu dis, tes papiers ne sont pas les faux papiers, je me dis, ils ne sont pas là pour nous aider. Parce que moi-même, mon père n'est pas sûr à 100%. Je suis véritablement son enfant. Seule ma mère peut me dire, les documents que tu montres là, ce ne sont pas les vrais papiers parce que ce n'est pas ton âge, ce n'est pas ton nom. Il y a d'autres qui sont passés avant moi, qui sont venus sans papiers. Ils ont tendance à dire, pourquoi tu n'as pas de papiers? Qu'est-ce qui nous prouve que l'âge que tu nous donnes, c'est ton âge? Ceux qui viennent avec les papiers, comment tu as fait pour avoir des papiers? Finalement, tu viens avec papiers, c'est un problème. Tu viens sans papiers, c'est un autre problème. Du coup, ça c'est... Comment dire? C'est passé quoi à la fin de... Et à la fin, ils m'ont posé cette question. Ils m'ont dit, bon, ok, bon, vu que toi, tu as tous tes documents sur toi, ça va. Mais est-ce que tu peux nous laisser ton passeport et ta carte scolaire? Et pourquoi tu n'as pas ton extrait de naissance avec toi? J'ai dit, si, en venant, je suis venu avec mon extrait, mais ça a été perdu en Espagne. Mais j'ai l'autre qui arrive par Médecins du Monde et c'est venu. J'ai déjà récupéré. Elle me dit, bon, ok, est-ce que tu peux nous laisser tes documents avec nous? J'ai fait comprendre, non, je ne peux pas vous laisser avec mes documents. Après, elle me dit, bon, ok, c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous permettre de faire des copies de tes documents? J'ai dit, oui, ça, je peux vous permettre de faire des copies. Ils ont fait des copies. Ils m'ont dit, pour ton résultat, passe demain matin à 16h. Demain, le 6 novembre, je suis passé. J'ai été reçu par un monsieur qui me fait comprendre que ce qui a fait en sorte que le département ne puisse pas te reconnaître mineur, c'est parce que tu as refusé de laisser ton document et c'est marqué dans mon papier de refus. J'ai dit, mais monsieur, comment ça? Tu as douté, tu as hésité de laisser et le département a jugé ça louche. Et ils t'ont trouvé stressé, énervé envers... J'étais énervé envers les dames en question. J'ai dit, mais comment j'étais énervé avec une dame que je sais qu'elle est prête à m'aider? Comment je vais m'énerver avec elle? Et pourquoi le motif qu'on met, c'est de ne pas avoir laissé mes documents, sachant qu'elle-même m'a dit, seulement la copie en couleur, ça va. Il m'a fait comprendre, en tout cas moi je te crois, mais j'ai plus confiance à mes collègues. Ce que tu me dis, si tu veux faire un recours, tout ça tu peux dire ça devant le juge. J'ai pris mes papiers, je suis sorti. Bon, pour terminer, c'est juste pour dire que ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour nous mettre plus bas que terre. Que si on savait que ça devait être comme ça en France pour nous, je pense qu'il y a beaucoup parmi nous, peut-être, qui n'allaient pas chercher à sortir. Il y a d'autres qui ont vu leur frère mourir. Il y a d'autres qui ont failli mourir. Mais nous sommes là aujourd'hui et on vit ça. Merci. On va mettre une chanson là, c'est chaud. Ouais. Merci. De retour après ces deux témoignages, je vais juste rien dire parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. C'est horrible. Merci de témoigner. Dans un sens, ça nous éclaire. Bon, je dis rien en fait parce que j'ai l'impression que tout ce que je veux dire, ça va être nul. Là, je suis avec Ibrahim et Angèle. Chacun vont témoigner aussi de d'autres aspects, on va dire. Du coup, peut-être des aspects plus positifs et ce que la lutte de la Garenne a permis. Oui. Donc, suite à l'expulsion, Ibrahim et Angèle, leur situation, c'est du moins du point de vue du logement, c'est largement amélioré. Oui. Donc, peut-être Ibrahim, tu peux expliquer. Oui. Bon, la Garenne, moi, ça m'a emporté. Beaucoup de bonheur, m'a apporté beaucoup de sens, m'a apporté beaucoup de connaissances au niveau de la Garenne. Bon, nous on est arrivé ici depuis le 22 octobre 2017. Donc, au niveau des résultats des frontières d'asile, ça a été galère. Mais on a croisé avec Réseau Solidarité, ça c'est Kevin, parce que c'est première personne que je connais à Rouen. Première personne qui travaille dans l'association. Donc, on a enregistré, on a eu pour se dire Dublin. Pendant 7 mois, j'étais dublinais. Je n'ai pas de droit de logement. J'ai mon droit, mais je ne suis pas logé. En fait, je restais derrière des collectifs, ceux qui m'ont en train d'héberger partout. Jusqu'à un moment donné, Kevin m'a expliqué au niveau de la Garenne. Ils sont en train d'ouvrir un lieu là où on peut rester. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je suis venu au Diable Corps ici. Il m'a donné des papiers pour distribuer, pour aller chercher les gens dehors, les gens qui dorment partout. Parce que moi aussi, j'ai vécu dehors. Donc, je connais tous les lieux qui passent. Donc, j'ai essayé de recenser les gens. Jusqu'à un nombre, on a fait un programme. On allait ouvrir la Garenne. Bon, on a resté pendant 5 mois. Ouais. 5 mois. Bon, pendant ces 5 mois-là, moi, j'ai dormi là-bas. Bon, on faisait tout. J'ai organisé les menaces. J'ai organisé les choses à l'intérieur pour qu'on reste. Mais on n'a pas pu rester. En fait, ils ont expliqué à la Garenne, il y avait des enfants, il y avait des mineurs, il y avait des galères partout. Normalement, la Garenne, ça doit être 160 personnes, mais à la fin de la Garenne, il y avait au moins 250 personnes ou bien 240 et quelques. Donc, il y a entre nous qui sont trouvés des logements, il y a entre nous qui n'ont pas trouvé de logement. Donc ça va être bien galéré, mais on espère ça va aller. Bon, moi, je suis logé, il n'y a pas de problème, mais mes amis sont dehors. Il y a mes amis qui sont dehors. Lorsqu'il y a ceux qui sont à la Garenne, le collectif avec les associations, ils ont mobilisé tous les gens qui sont dublinés, les sans-papiers. On allait au maison d'association. On a été là-bas pendant 2 semaines. Donc, ils ont sorti là-bas aussi. Ils ont dispersé partout. Bon, maintenant, on ne sait pas tous les groupes là où ils sont. Du coup, par rapport au CADA, ouais. Peut-être Oui, bah, tu peux expliquer maintenant peut-être où t'es logé, est-ce que c'est un CADA, comment ça se passe? Oui, moi, je suis un CADA, à la Grammoire. Wow, CADA, on est nombreux dans l'appartement, mais on n'a pas de choix. Vous êtes combien dans l'appartement? Dans l'appartement, il y a 4 chambres. 4 chambres, il y a DD. Toutes les chambres. Donc, dans notre appartement, il n'y a pas de trucs. Il n'y a pas de... Là, on lave les habits. Il n'y a pas de machine à laver? Il n'y a pas. Il n'y a pas de machine à laver. Donc... D'accord. Donc, c'est un logement, mais dans des conditions très précaires quand même. Oui. C'est un logement qui est un peu bizarre, mais on n'a pas de choix. Ça a, entre guillemets, à durée indéterminée. Il n'y a pas de je sais pas comment dire, ce logement-là, tu vas y être un certain temps, c'est bon, c'est sécurisé. Oui, là-bas, c'est sécurisé par rapport au niveau d'assistance sociale. Mm-hmm. Oui, par rapport à ça, on est sécurisé un peu là parce que, oui, c'est vrai, c'est un peu dégueulasse, mais on n'a pas peur de quelqu'un va venir faire sortir là-bas, on n'a pas peur d'aller au tribunal chaque jour. Vous avez un mois de rester, vous avez 2 mois de rester. Mm. Donc là, on espère on peut rester jusqu'à la fin de procédure. Ok. Oui. Bon, c'est cool. Oui. Ok. Oui. Angèle, du coup, toi, c'est un jeu. Vas-y, Florence, ouais, tu laisses la tête. Tu mènes la barque. dans les pseudo-négociations avec la mairie de Rouen avant l'expulsion de la Garenne, la mairie de Rouen avait proposé que les familles avec des enfants scolarisés sur la ville de Rouen et un logement mis à disposition. Angèle, elle, sa famille, les enfants sont scolarisés sur Sotteville et un super collectif de citoyens, de militants de Sotteville qui a fait pression sur l'USPAN, la maire de Sotteville, pour qu'elle fasse la même chose que la mairie de Rouen. Donc voilà, Angèle aujourd'hui elle est logée à Sotteville avec ses 4 enfants. Donc si elle veut peut-être expliquer un petit peu comment c'était avant, pendant la Garenne et maintenant. Eh oui, comme dit Florence, en tout cas, la Garenne, pour moi, elle m'a porté beaucoup de choses, et surtout dans le bon sens. Parce qu'avant, j'étais dans le département du Nord, et là, après les CADA, en tout cas, c'était difficile, extrêmement difficile, parce que j'avais pas de toit et je savais pas où aller. Et il y a le père de l'église catholique qui m'a au moins recueilli, mais dans une cave où j'étais avec les 4 enfants. Bon, il n'y avait rien, pas d'eau. En tout cas, rien du tout. Que de lit, tout ça. Mais du moins, il a dû m'apporter quelque chose à chaque fois quand j'ai besoin, il était là. Et après un mois, il y a une dame qui s'est présentée en disant qu'elle est d'une association, c'est pas si mat, quelque chose comme ça. Et elle me dit: Angèle, je viens te prendre avec les enfants, je t'amène aux Andes, toujours dans le département de l'Or. Là, il y a un appartement, tu pourrais être mieux, tout ça, tout ça. Ah, j'étais contente, du moins, je pourrais être dans de bonnes conditions. On en a là-bas. Après 3 semaines, elle me dit: non, s'il y a possibilité, tu me laisses les 2 garçons. Je prends en charge les 2 garçons. Toi, tu restes avec les filles. J'ai dit: mais non, c'est quoi? Donc, toi, tu m'as amené ici pour prendre mes enfants, tout ça. Mais non, c'est pas possible. Il y a à peine un mois, presque. Donc, je peux pas. Et c'est à partir de là que tout a commencé à changer. Et elle me dit: donc, si tu refuses et que les enfants terminent l'année scolaire, donc tu es obligé de quitter. Quitter pour aller où? Point d'interrogation. Je ne savais pas, je n'avais rien, tout ça. Et ce qui m'a fait trop mal, et l'évêque était là et il acceptait tout ça. Donc, quelque part, tout ce que la dame disait, l'évêque était au courant et il ne réagissait pas. Et après l'année terminée, pendant les vacances, il fallait que je sorte obligatoirement. Parce qu'elle m'a dit: non, je ne peux plus te prendre en charge. Ah, c'était là le problème. J'étais là dehors pendant quelques jours. Et dehors avec les enfants. Et il y a une de mes compatriotes qui est à Rouen qui m'a appelé et m'a dit: non, s'il y a moyen, tu peux venir ici. Il y a des associations qui peuvent t'aider, tout ça, tout ça. Arrivée ici à Rouen, je suis allée chez elle pendant 3 ou 4 jours. Et après, elle m'a montré Carrefour des Solidarités. Je suis allée au Carrefour, à partir de là. Je me suis enregistrée et après, il y a un Nigérian qui vit à la Garenne, mais je ne connais pas vraiment son nom, oui. Et que je voyais souvent là où j'étais à Gaillon, quand j'étais au CADA. Et quand il m'a vu, il était étonné. Mais qu'est-ce que tu fais là avec les enfants? Tu es où tout ça? Je lui ai un peu expliqué tout ça, tout ça. Il dit, bon, tu as là où dormir. En tout cas, aujourd'hui, c'est les derniers jours chez ma soeur, la compatriote. Là, en tout cas, après ça, je ne sais pas. Et il me dit, viens. Viens, je t'amène à la Garenne. Et je vais te présenter chez Florence, tout ça, tout ça. Et peut-être, il y aura une place. Je suis arrivée à la Garenne, malheureusement. À ce moment-là, il n'y avait plus de place. En tout cas, il n'y en avait plus. Il ne restait que le grand salon ouvert, tout ça, etc. Et après, j'ai rencontré Naomi, Jondo et tout ça, les collectifs qui étaient là. Et ils ont fait en sorte que le soir, je trouve, ne fût-ce que là où on gardait les histoires à manger, tout ça. Ouais. C'est ça qu'ils m'ont donné pour dormir avec les quatre enfants, sans quoi, sans toilette, tout ça. Et... C'était pas facile, mais du moins, être dans l'abri, c'était mieux que toute chose. Et après, j'ai rencontré Florence, Kevin, et les souffles ont commencé un peu à venir, parce que Florence, elle a fait beaucoup. C'est grâce à elle que j'ai rencontré les collectifs, des parents d'élèves, d'école, tout ça. Et ce collectif a beaucoup fait pour moi et la Garenne. Et aujourd'hui, j'ai un appartement à cette ville. C'est mieux. Et souvent, quand je suis là, avec un grand appartement, pendant qu'il y en a qui n'ont pas de place. Ça fait mal. Ça fait mal. Je sais, c'est bien pour moi, mais. Et pour les autres, ça me fait très mal, très mal, très mal en tout cas. Et souvent, j'ai dit toujours pourquoi. Pourquoi cette différence? Pourquoi ces manques d'amour? Pourquoi ces mauvais traitements? Après tout, on a tous la même couleur de sang, à part la couleur de peau. Mais souvent ici, quand on est noir, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais dans toute chose, moi j'ai dit toujours que quel amour du prochain prime, c'est ça. Merci beaucoup. Pareil que tout à l'heure, je vais rien rajouter. Ouais. Comment on aide? Ouais, bien sûr. Ouais, je vais laisser la parole à Julie pour conclure sur comment aider. Je pense que tu veux. Comment aider le réseau de solidarité migrants, c'est quoi l'actu quoi, enfin, je sais pas, voilà, tout ce que tu as envie de rajouter. Quoi. Vas-y, ouais. C'est comme tu veux. Ben, disons qu'après un mois d'expulsion, la Garenne et six tentatives qui sont devenues des échecs énormes, on a une poignée de mineurs qui est de plus en plus difficile à placer. Et du coup, les hébergeurs sont tous sollicités, et parfois même plus que ce qu'ils avaient prévu. Et pourtant, c'est la seule solution actuellement qu'on a pour que les gens ne se retrouvent pas encore à la rue. C'est des jeunes, ils sont ballottés depuis peut-être un an, peut-être plus, enfin si on compte en plus le périple qu'ils ont fait. Et ils se retrouvent ballottés d'une nuit à l'autre, d'une semaine à l'autre, quand c'est un peu plus confortable. Et déjà, après tout ce qu'ils ont vécu, le super accueil que la France leur accorde, c'est vrai que pouvoir avoir un lieu, un peu de repos, c'est vraiment une aubaine. Donc on peut compter que sur l'accueil citoyen en ce moment. Parce que la police, la préfecture nous met trop de bâtons dans les rues pour un peu plus de solidarité. Du coup, l'engagement de base, l'engagement minimum quand on accueille une personne, et c'est déjà beaucoup. C'est une nuit, une douche et un repas. Après, c'est des jeunes, sont tous très sympas. Ils ont envie de partager, ils ont envie de communiquer. Et ils sont très, très autonomes. Ils n'ont pas du tout la même vie que des petits Français lambda. Donc, c'est à chaque fois de très belles rencontres. Donc, nous appelons un appel citoyen et il suffit de contacter le RSM ou directement le 115. Non. On peut laisser un message soit sur la page Facebook des RSM, soit sur la page Facebook de la Garenne, et en laissant vos coordonnées, et on vous rappelle immédiatement. Dans la journée. Et il y a aussi, on a mis en place un pot commun pour les gens qui peuvent participer un peu financièrement, ce qui nous aide aussi à financer des nuits à l'auberge de jeunesse quand il n'y a pas assez d'hébergement citoyen. Donc l'auberge de jeunesse à Rouen, elle n'est pas donnée. C'est 24,80 la nuit, pour vous donner une idée. Donc le pot commun, il est en ligne et sur la page de la Garenne et sur la page du réseau de solidarité migrants. Ok, Brahim, tu voulais rajouter un truc? Ouais, vas-y, prends le micro là. Bon, alors, moi je me pose une question, peut-être il y a du monde qui nous écoute un peu. Je me pose une question, pourquoi si tu n'es pas dans le procédure, tu n'as aucune priorité? Donc, si tu n'es pas dans le procédure, tu n'es pas l'être humain. C'est ça qui me fait choc. Nous, on est là. Si notre procédure c'est fini, tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit à faire. Et pourquoi ça? Nous ne sommes pas l'être humain ou bien quoi? C'est ça, justement. Ok, je ne vais pas répondre à la question, du coup. Ouais. Non, mais c'est une bonne question, une ouverture pour les gens qui écoutent. Oui. Ouais, tu veux rajouter un truc? Vas-y. Juste peut-être terminer pour dire que le 18 décembre, il y a un appel national à une manifestation. C'est la Journée internationale des migrants. Ouais. Et qu'il y a une manifestation qui est appelée à Rouen aussi. Donc le 18 décembre, je crois que c'est 17h30, place Saint-Sever. Oui. Ok, ouais. En tout cas, moi, ça m'intéresserait beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas sur le procédure. Ils sont dehors. Ils n'ont pris aucune priorité. Alors, ça, c'est-à-dire le papier qui se met l'être humain. Merci. Attendez. Ouais, merci. Ouais. Comme vous voyez, c'est un sujet qui n'est pas du tout facile à traiter, qui est très large et qui plein de problématiques et plein de souffrances individuelles. Je voudrais vraiment remercier tout le monde, mais... Florence, chapeau quand même, avec Kevin notamment. Merci. Du coup, merci à Simon, Souleymane, Danilo, Julie, Ibrahim et Angèle. Merci des témoignages. Merci à Kevin pour la mise en relation pour aujourd'hui, là, qui s'est fait par texto. C'était bien. Je pense qu'on peut se dire que ce serait bien de faire d'autres émissions peut-être plus régulièrement. Avec grand plaisir. Ouais, comme ça, ça permet de suivre aussi ce qui se passe. Comme c'est quelque chose qui est un peu au jour le jour, j'ai l'impression qu'il y a des moments où ça va mieux que d'autres. Ça peut être bien d'avoir un point sur tout ce qui se passe. Peut-être d'approfondir aussi de temps en temps. D'avoir peut-être d'autres témoignages, ce serait vraiment, vraiment cool. Je vous remercie et on va se laisser en musique. C'est quoi la musique que tu as décidé? C'est Serge Beno, Kabak Bleki. Ah, okay. Non, attends. Attends. c'est une musique que Brahim a choisie normalement. Ouais. Vas-y, choisis. Laquelle? Et j'en profite du coup pour parler de la suite. Après la chanson, on va laisser la parole au Blues Noir. Ouais. C'est Angèle, une autre Angèle qui est là-bas, qui va s'occuper de l'interview. T'as coupé là? Tu m'as coupé à fond. Les jolies bébés sont allés ce soir, on est frais, on est validés. Zanotti, Gucci, Versace, la sape de qualité. Matin, midi, soir, on parle, on a trop d'avance, tu n'as pas idée. Laisse-le parler, on n'a pas le temps de les écouter. Laissez-le parler, on n'a pas le temps de les écouter. Laissez-le. laisse le parler. On n'a pas le temps de les écouter. Douzaine douze. That's right.